Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons voir le droit de légiférer. Légiférer est le droit exclusif d'Allah le Très-Haut. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Sourate 13, verset 41. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 40. Qu'entend-on par la législation? C'est ce qu'Allah révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la vie en société et autres. En fait partie le fait de rendre licite ou illicite. Nul ne peut rendre licite ce que Allah a rendu licite, ni rendre illicite ce qu'Allah a rendu illicite. Allah dit, et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Sourate 16, verset 116. Allah dit également, que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Sourate 10, verset 59. Allah a interdit d'autoriser et d'interdire, si ce n'est avec une preuve du livre, le Coran, ou de la Sunna. En outre, il nous a averti que celui qui le fait aura menti sur Allah, tout comme il nous a fait savoir que celui qui rend une chose obligatoire ou interdite en l'absence de preuve se sera érigé comme associé à Allah, dans ce qui est de ses prérogatives qui est le fait de légiférer. Allah dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, ils auraient été tranchés entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Sourate 42, verset 21. Quiconque obéit à ce législateur en dehors d'Allah, dans cela, l'aura érigé en associé avec Allah. Allah dit, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Sourate 6, verset 121. C'est-à-dire ceux qui ont rendu licite ce qu'Allah a interdit, comme bêtes mortes, sans avoir été égorgés au préalable. Celui qui leur obéit dans cela est un associateur. De même, Allah a informé que celui qui obéit aux rabbins et aux prêtres, comme les pseudo-savants d'aujourd'hui, dans ce qui ont rendu licite alors qu'Allah l'a rendu illicite et vice-versa, les aura adoptés comme seigneurs en dehors d'Allah. Allah dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 9, verset 31. Lorsque ce verset a été révélé, Adi ibn Hatim a dit au messager d'Allah, « Mais ils ne les adorent pas. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « Les moines et les rabbins ont prohibé le licite et légitimé l'illicite. » Leurs fidèles les ont suivis en cela, en les approuvant. Voilà donc l'adoration qu'ils leur ont vouée, rapportée par At-Tirmidhi rendue authentique dans Sahih Sunan At-Tirmidhi. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a dit, il y a dans le hadith une preuve que l'obéissance aux rabbins et aux moines dans la désobéissance à Allah constitue une adoration à leur égard et est considérée comme étant de l'association majeure, qu'Allah ne pardonne pas, conformément à sa parole à la fin du verset, cité ci-dessus. Le verset suivant va également dans le même sens. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Sourate 6, verset 121. Beaucoup de gens sont tombés dans cette forme d'association avec ceux qu'ils imitent aveuglément. En effet, ils ne tiennent pas compte de la preuve, à savoir si elle va à l'encontre de la vie de celui qu'ils imitent. Et cela fait partie de ce genre d'association. Se conformer à la législation divine et délaisser toute autre législation est une condition de l'adoration, qui fait partie de l'attestation. Nulle divinité en dehors d'Allah. Et c'est à Allah que nous implorons l'assistance et le jugement. S'approprier le droit de légiférer et de rendre les choses licites ou illicites. Décréter les lois aux gens pour régir leur culte, leur comportement social et les autres domaines, ainsi que pour trancher leurs litiges et mettre fin aux conflits, est le droit exclusif d'Allah, Seigneur des hommes et Créateur des créatures. Allah dit, « La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate 7, verset 54. C'est lui Allah le Très-Haut, qui sait ce qui est convenable pour ses serviteurs, et le leur décrète. Étant donné qu'il est le Seigneur, il instaure pour eux des lois, et étant donné qu'ils sont serviteurs, ils acceptent ces lois, et ce sont eux qui en tirent profit. Allah dit, puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux, et de meilleures interprétations et aboutissements. Sourate 4, verset 59. Allah dit, sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur, en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Sourate 42, verset 10. Et il a blâmé le fait que ses serviteurs prennent un autre législateur, en dehors de lui. Allah dit, ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Allah n'a jamais autorisées? Sourate 42, verset 21. Par conséquent, celui qui accepte une législation autre que celle d'Allah lui donne des associés. Et tout culte qui n'est pas établi par Allah le Très Haut, ou son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une innovation. Et toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui introduit dans notre affaire, notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre affaire, cet acte sera rejeté. Rapporté par Muslim. Il faut savoir également que tout ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré en ce qui concerne la politique et le jugement entre les gens est un jugement du Tarout et de l'époque de l'ignorance. Allah dit, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate 5, verset 50. Également le fait de rendre licite ou illicite est le droit d'Allah que personne ne doit partager avec lui. Allah dit, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Sourate 6, verset 121. Dans ce verset, Allah le Très-Haut a considéré l'obéissance à Satan et ses partisans dans ce qu'Allah a interdit comme étant une association. Et également, Allah considère ceux qui obéissent aux savants et dirigeants dans l'interdiction de ce qu'il a permis ou dans la permission de ce qu'il a interdit comme étant ceux qui prennent les dirigeants ou les savants comme divinités en dehors d'Allah. Allah dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 9, verset 31. Lorsque ce verset fut révélé, Adi ibn Hatim a dit au messager d'Allah, « Mais il ne les adore pas. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, « Les moines et les rabbins ont prohibé le licite et légitimé l'illicite. Leurs fidèles les ont suivis en cela, en les approuvant. Voilà donc l'adoration qu'ils leur ont vouée. » Rapporté par At-Tirmidhi, rendu authentique dans le Sahih Sunan At-Tirmidhi. Donc leur obéissance dans ce qu'ils rendent licite ou illicite en dehors d'Allah est devenue une adoration et une association. Et il s'agit de la grande association qui s'oppose au monothéisme, qui est le sens de l'attestation « Nulle divinité en dehors d'Allah », qui indique que la permission des choses est un droit réservé à Allah. Si ceci vaut pour ceux qui obéissent aux savants et aux adorateurs à propos de la permission et l'interdiction qui s'opposent à la loi divine, alors que penser de ceux qui se soumettent à des lois établies par des mécréants et des athées, et les instaurent et les appliquent? Et il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Certes, une telle personne prend les mécréants comme seigneur en dehors d'Allah, qui établissent pour lui des lois, lui permettent l'illicite et jugent entre les gens. Et Allahu a'lam.